Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous le savez, le vendredi soir à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika. Mavrika, c'est l'émission dans laquelle on reçoit des artistes de la région orléanaise et même d'ailleurs s'ils veulent venir jusqu'à nous, hein, tout simplement. Donc on est là pour vraiment soutenir les artistes locaux et chaque semaine nous recevons des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour présenter leur univers. Alors ce soir, exceptionnellement, il n'y a pas d'artiste. Pourquoi ? Parce que ça a été un petit micmac au niveau des programmations, donc c'est pas toujours évident, donc il y a des réponses qui auraient dû être données, elles ont été données un peu trop tard, donc on s'est arrangé, et c'est pas bien grave. La semaine prochaine, il y aura quelqu'un dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et puis dans quelques temps, il y en aura d'autres, donc je vous les présenter de toute façon au fur et à mesure. Depuis le début de l'émission, on a déjà écouté pas mal de bons artistes de la Mavrika Family. On a écouté le groupe Frisson, voilà, ça fait un petit moment qu'on les avait pas diffusés, et ça fait bien plaisir d'écouter écouter cette chanson qui s'appelle Une journée buissonnière. On a écouté aussi des artistes de la région parisienne qui s'appellent Anaïs from Paris, voilà, qui était venue il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a passé un bon moment avec eux, ils avaient fait des lives et ils ont interprété un morceau de Tombola. Tiens, à propos de frissons, c'est pareil, j'ai en préparant l'émission, je suis tombé sur des lives qu'ils avaient enregistré pendant leur passage. C'est un groupe qui a déjà participé à Maverick Alex, ça fait très longtemps, et ça m'a fait plaisir de voir au précédent Maverick Alive, donc le Maverick Alive numéro 14 qui a eu lieu samedi dernier, notre ami Stéphane qui était venu donc applaudir d'autres artistes locaux. Juste après, on a écouté aussi The Last Magic Doors. Alors il y a de l'actualité puisqu'ils seront avec nous au mois de mai, je vous dirai la date exacte juste après, mais on a écouté un morceau qui s'appelle Little Boy. Voilà, ça parle je suppose hein, de Little Boy. Vous savez c'est quoi, c'est le nom de la bombe qui a été lâchée sur Hiroshima tout simplement. Et juste après, on a écouté Fade, un titre interprété par un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines. Il s'agit du groupe Siragis. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. On a plein de musique à diffuser, on a plein de choses à dire. Donc pour l'instant, place à la musique. On va continuer avec un groupe que j'ai jamais diffusé dans l'émission Maverica. C'est apparemment c'est un duo dans lequel il y a un artiste que nous avons interviewé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Hein, c'était ici à Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Marc Albert. Et ça serait bien qu'il vienne un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que lui continue à faire de la bonne musique. Et le morceau qu'on va écouter de The Wild, c'est That Girl Is Killing Me. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica.

Que le vendredi soir sur Radio Arc-en-Ciel, comme toute la semaine d'ailleurs, hein, puisque de toute façon sur Radio Arc-en-Ciel, on ne diffuse que la bonne musique. Et après, chaque émission choisit le style de la musique qu'ils veulent diffuser. Voilà. Sur Radio Arc-en-Ciel, donc le vendredi soir sur l'émission Mavrika, il y a Albino qui présente les artistes de la région et puis surtout s'orienter quand même pop rock et puis chansons françaises et puis tout ce qui est bien, quoi, en tout cas. On a écouté un groupe de la région parisienne qui s'appelle Monekin avec Simian Nation. On a écouté le groupe orléanais Ombrage qui viendra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je regarde le petit mon petit agenda. Donc le 27 juin, Ombrage sera ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sortie d'un nouvel album. Et d'ailleurs, on vous a diffusé un des morceaux qui s'appelle Le Nom des Guerres. On a poursuivi avec Kaisaria, un groupe que j'ai eu la chance de rencontrer. On avait passé un bon moment ensemble. Et ce groupe-là nous a diffusé un morceau qui s'appelle Is Not the End. Juste à l'instant, ben, c'est un groupe qui participera au prochain Mavrika Live, donc le 25 octobre. Retenez la date tout de suite, hein, c'est un samedi soir, donc à l'espace Bérère. Donc ça sera la 15e édition du Mavrika Live. Et il y aura donc le groupe qu'on vient d'écouter qui s'appelle Sonic Lag. Le morceau, c'était Money Box. À propos de Mavrika Live, je vous diffuse maintenant un groupe qui a participé au dernier Mavrika Live, c'était samedi dernier. Donc ce groupe s'appelle The Cross Band et le morceau qu'on va écouter tout de suite s'appelle Bad Loving Never Felt So Good. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Never felt so good. Dans l'univers. donc qui sera au prochain Maverick Live le 25 octobre, voilà, 2025. Donc ça sera le Maverick Live numéro 15, hein, et il y aura à cette occasion le groupe Sonic Lag, il y aura le groupe Red Daff et il y aura le groupe BRS, et en interscène il y aura le duo Plug and Play. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverick, et justement aujourd'hui notre ami Didier n'est pas présent, il sera présent la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, mais il nous a envoyé un petit message, et puis d'ailleurs je vais le retrouver rapidement et je vais vous le lire, voilà, tout simplement. Alors je passe un petit peu la musique de nos amis Red Daff, le morceau s'appelle Mon Étoile, et on va donc lire un petit peu son petit message. Il nous avait dit voilà, alors salut les mélomanes, info concert RCVL et développement variété promotion vous informe que ce soir il y aura un concert de The Crash Band, le groupe qu'on vient d'écouter juste avant, les Red Daff. Alors c'est du rock australien pour ceux qui aiment, il débarque donc ce groupe aux 80s vendredi 25 avril, c'est ce soir à partir de 20h, pardon, 28 rue des Basse-Mouillères à Orléans. Donc si vous y êtes, vous ne pouvez pas écouter l'émission. Si vous écoutez l'émission, vous avez envie d'y aller, allez-y, hein, parce que franchement, c'est la seule excuse pour pas écouter l'émission, c'est d'aller au concert. Et puis de toute façon, il y aura le podcast que nous fait notre ami Florent, donc vous ne louperez rien, vous pourrez réécouter l'émission après. Le 2 mai, donc, il viendra notre ami Didier pour nous parler de la fête de la musique. Voilà, parce que la fête de la musique a beaucoup évolué depuis sa création. Et il a envie de nous parler un petit peu de tout ça. Et puis il y aura aussi le concert du groupe des Rapades, donc un groupe que nous avons reçu dans l'émission Maverick, un groupe qui fait partie de la Maverick Family. Alors il fait du compo rock crunchy ligérien. Voilà, c'est comme ça qu'il se qualifie. Alors on like, c'est bien, mais on va les encourager, c'est encore mieux. On soutient les artistes locaux musicalement. À vous Didier. Donc Didier qu'on retrouvera la semaine prochaine pour sa chronique. Il sera là régulièrement dans l'émission Maverick et ça nous fait vraiment plaisir de le recevoir puisque c'est un passionné de musique. On va continuer avec un autre artiste que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises dans l'émission Maverick. Il s'agit de notre ami Alex Lebaille et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle La Terre. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverick, on est ensemble jusqu'à 22h.

Last Raider sur Radio Arc-en-Ciel. Donc le morceau s'appelle One with the World. Juste avant, c'était la voix de Poi, donc le groupe Elixir avec Don't Let Down. Encore avant, c'était Coda, un groupe que nous avons reçu il y a pas mal de temps déjà dans l'émission Mavrika. Et je sais pas si y a beaucoup d'actualité dernièrement, mais s'ils ont envie de revenir, ben il y a pas de souci. En tout cas, c'est un séquence souvenir avec un morceau qui s'appelle Hyperbole. Séquence souvenir aussi avec Black Inside, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, dans lequel il y a le chanteur Willie, voilà, de Will and Guides, tout à fait. Donc le titre que nous avons écouté s'appelle Je ne t'aime plus. Encore avant, c'était encore un morceau en français qui s'appelle La Mente, interprété par notre ami Jack F. C'était une version enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de son passage. Encore avant, nous avions commencé cette série musicale avec Alex Lebaille et un morceau qui s'appelle Mater. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika et on va continuer avec un grand monsieur qui était venu il y a quelques semaines dans nos studios, Arnaud Walden, avec son trio acoustique, un morceau qui s'appelle Once Upon a Time. Thank you. what it's like. But this winter made a never ending cold above the blood red sky. Something seems to rise. Be dead. It's so- Voilà, une superbe belle chanson interprétée par Angéline Anonier qui est venue à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une reprise de Tina Turner, vous l'avez reconnue, Simply the Best. Je pense qu'elle parle de l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, bien entendu. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des dates auxquelles les artistes viendront jouer ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, le 23 mai, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura le groupe The Magic Doors. Le 13 juin, il y aura Max de Giovanni qui viendra de Bayonne hein, jusqu'ici pour nous présenter son travail. Le 27 juin, on aura Ombrage et la semaine prochaine, nous aurons ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel le groupe Soul Latitude. Et puis d'ailleurs, je vous propose d'écouter un morceau tout de suite. C'est une reprise d'une chanson que vous connaissez tous, Sally, Ride Sally, donc Mustang Sally, et c'est interprété par le groupe Soul Latitude que nous allons recevoir la semaine prochaine. Moi j'adore les Mustangs. You better slow and stand down. I have to Voilà donc le groupe que nous allons recevoir la semaine prochaine, le groupe Soul Latitude. Ils seront pas là toute la soirée, mais ils vont passer une bonne petite heure avec nous pour nous parler d'un événement qui aura lieu justement le lendemain, donc le samedi 3 mai 2025 à partir de 19h30. Il y aura à l'Espace Bérère, décidément à la Chapelle Saint-Mémin. Donc actuellement il y a beaucoup d'actualités à l'Espace Bérère, à la Chapelle Saint-Mémin, avec donc ça sera les 20 ans du groupe Soul Latitude, hein. Le groupe Soul Latitude nous propose donc un concert avec une entrée libre, et donc ça sera le 3 mai et le vendredi 2 mai ils seront ici sur Radio Arc-en-Ciel. Donc il y aura trois personnes qui viendront, ils vont se déplacer, parce qu'en vérité le groupe Soul Latitude c'est quand même une machine à musique, puisqu'ils sont, c'est un groupe qui est constitué de 11 personnes. Voilà, donc il y a des cuivres, il y a tout ce qu'il faut, des chanteurs et tout ça, des chanteuses, c'est vraiment un bonheur. Donc n'hésitez pas à aller les voir, on en reparlera demain bien entendu à partir de 19h30, donc samedi 3 mai 2025 à l'Espace Bérère, la Chapelle Saint-Mémin, les 20 ans de Soul Latitude. Et j'oublie quelque chose, c'est qu'il y aura aussi deux autres groupes, c'est Jajams, je découvre en direct, hein. Et 10, j'arrive pas bien à dire le nom, donc on va essayer de bien décrypter, Dircha. Voilà, je suppose que c'est comme ça. De toute façon, si je me suis trompé, vous inquiétez pas, ils rectifieront la semaine prochaine. Donc, le titre qu'on vient d'écouter actuellement s'appelle Mustang Sally. C'est un titre qui a été aussi interprété par le groupe Azen Blues lors du précédent Maverick Live. Donc, c'est facile à chanter. Tout le monde peut chanter ensemble. Ride, Sally, Ride. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est émission Maverick, et on va justement écouter un morceau du groupe Azen Blues qui a participé donc au Maverick Live numéro 14 à l'Espace Bérère samedi dernier. Le groupe Azen Blues avec Lady in Black. groupe Hazen Blues qui a enflammé la scène de l'espace Béraire à la Chapelle Saint-Émain samedi dernier. Donc c'était le premier groupe qui s'était produit et franchement c'est un très bon groupe de blues. Franchement, allez les voir si vous avez l'occasion. Si vous avez loupé cette soirée-là, eh ben tant pis pour vous. Il fallait pas avoir piscine ce soir-là. Donc voilà, il faut aller au concert, il faut encourager les artistes. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans la région. Il y a notre ami David McLean qui sera demain pour l'inauguration voilà d'un nouvel endroit qui s'appelle Comme chez moi. Donc ça se passe à ce mois et donc c'est à partir de 15h à 18h, il y aura Tandem, le duo de Jimmy Sugar et de David McLean. Donc allez les voir, allez les applaudir et puis découvrez un nouvel endroit. Qu'est-ce qu'il y a aussi demain soir? Il y a aussi la Jam and Company, donc l'association Loxo qui présente la Jam and Company qui commence à 18h30 jusqu'à 22h. Donc c'est la Jam Session, donc pour tous les musiciens qui ont envie d'aller jouer là-bas, il n'y a pas de souci. À partir de 20h, 22h jusqu'à minuit, une nouvelle live session avec des artistes qui vont vous accompagner. Il y aura Slam et Weko. Alors c'est pour, c'est gratuit pour les jammers et pour les adhérents. Et c'est vous payez ce que vous avez envie de donner pour participer à cet événement. Donc c'est samedi 28 avril au Charbon, donc 32 rue du Poirier à Orléans. Voilà pour les soirées. Alors justement, on écoutera tout à l'heure un petit morceau de notre ami David McLean. Mais pour l'instant, on va continuer avec BRS, encore un groupe qui participera au prochain Maverick Live le 25 octobre. Donc on va écouter un morceau tout de suite qui s'appelle Heartbreak Revenge et vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverick et vous allez voir, c'est un très bon groupe. J'ai hâte de les voir sur scène. groupe BRS, voilà, c'est super puissant, c'est un super morceau, et puis tous leurs morceaux sont vachement bien, donc il faut vraiment les écouter et puis aller les encourager sur scène. À ce propos, on a parlé tout à l'heure de concerts, et puis il y a pas mal d'actualités, c'est vrai, et des fois il m'arrive d'oublier certaines choses, et il m'en avait parlé Stéphane lors du dernier Maverick Live, que justement il y avait Frisson qui jouait au Label Trempe, donc il faut aller là-bas pour les encourager, parce que c'est un concours, donc le Label Trempe demain, samedi 26 avril, donc il y aura le groupe Frisson, voilà, qui a besoin d'encouragement, il faut vraiment aller les applaudir, et puis il y a plein d'autres groupes aussi à découvrir, donc c'est l'occasion de faire plein de bonnes rencontres. Voilà, c'est passé dans les tuyaux, et on va continuer avec de la très bonne musique, juste après Heartbreak Revenge, le groupe BRS. Voilà, donc juste après un autre groupe qu'on aime beaucoup, qu'on aimerait bien faire jouer au prochain Maverick Live, et on va essayer d'en faire au maximum, c'est pour ça qu'il faut venir vraiment au concert, parce que plus il y aura de monde et plus on sera encouragé pour continuer cette grande expérience des Maverick Live. Voilà, donc un groupe qu'on aimerait faire jouer, et je pense que prochainement ils seront sélectionnés, puisque on va essayer d'en prendre à chaque fois à peu près 4 groupes, et il y aura donc 2 Maverick Live par an, et le groupe dont je parle s'appelle The Uncle Bikers, et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Freight Train. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverika. Super groupe, le groupe Turn Up avec À Votre Santé. Voilà, ça fait vraiment plaisir de les écouter. Et puis, si vous avez l'occasion de les voir sur scène, n'hésitez pas à aller les voir. On va continuer tout de suite avec, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur David McLean avec son nouveau morceau qu'on a déjà écouté de la semaine dernière et qu'on va réécouter à nouveau. Il veut changer le monde. Je pense que c'est pas le seul. Et ce qu'il faut, c'est le changer dans le bon sens parce que là, le monde, il change. Mais je sais pas si on se trompe pas de direction. Terre, sous le même ciel immense, les rêves brisés se serrent. Cherchons-nous une nouvelle chance? Les rues miroirs de nos vies, les secrets cachés sous l'asphalte. L'espoir résonne comme un cri. Faisons briller nos étoiles. Changer le monde, mais en mieux. Franchir les rivières à traverser avec le cœur. On peut dire, nous allons tout transformer. Unis par cette lumière que le doute ne peut éteindre, pour une ère plus sincère où chacun pourra s'étendre. Changer le monde, mais en mieux. Une flamme dans nos. Cette lumière que le doute ne peut éteindre, pour une ère plus sincère où chacun pourra s'étendre. Changer le monde, mais en mieux. Une flamme dans nos yeux. C'est maintenant ou jamais pour bâtir demain sans regret. Voilà le nouveau morceau de David McLean, Changer le monde. Voilà, on aime bien ses paroles, on aime bien ses musiques. Et c'est entraînant, hein, c'est vrai que ça donne envie de danser. On va continuer tout de suite avec un autre artiste qui chante en français. Il va nous parler du match du dimanche. Il s'agit de Stéphane Acoustique. Dominical, un match de foot inamical, le derby annuel de campagne. En famille, on va assister à une vraie bagarre de clochers entre puits et bourre les pieds. Lien social et mixité dans les campagnes, dans les quartiers. Sport populaire à partager dans l'herbe ou sur le canapé. Les pieds dans l'herbe, on est comblé de la grand-mère au nouveau-né. On est ici pour se retrouver. Un clébard traverse le terrain, une passe en retrait au gardien. Leur avant marque avec la main. Lien social et mixité dans les campagnes, dans les quartiers. À partager dans l'herbe ou sur le canapé. Le canapé. Le match est bientôt terminé. L'arbitre sera exfiltré. Une bagarre ou quelques sifflets. Juste des sifflets. Lien social et mixité dans les campagnes, dans les quartiers. Sport populaire. populaire à partager dans l'herbe ou sur le canapé. Stéphane Acoustique sur Radio Arc-en-Ciel avec une chanson, c'est tout frais, c'est tout, c'est très agréable. Écoutez, c'est le match du dimanche. Stéphane Acoustique, on va continuer avec quelque chose d'un peu plus sérieux. Hein. Il s'agit de la culture. Hein. La culture est en danger et c'est Aude Prieur qui le chante, mais elle est accompagnée. Vous pouvez aller voir le clip sur YouTube, etc., hein, sur toutes les plateformes. Vous pouvez regarder donc le clip. Et vous verrez qu'il y a plein d'artistes et puis techniciens aussi de la région orléanaise qui interviennent et des gens qu'on connaît, qu'on a déjà reçus aussi dans l'émission Eureka. Donc on les salue tous, on les embrasse tous et puis on les encourage. On écoute Aude avec Culture en danger. Inventer un texte de régulation et de protection des artistes, je ne peux que m'en réjouir. Être artiste ou technicien, ce n'est pas être chômeur. C'est plutôt bosser pendant des heures, sans vraiment être payé pour notre labeur. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Être artiste ou technicien, être artiste ou technicien, ce n'est pas être bon à rien. C'est apporter du soleil au quotidien dans la vie des citoyens. Culture en danger. Culture. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Attention. Danger. Être artiste ou technicien. Être artiste ou technicien. Ce n'est pas la vie de Pacha. C'est trimballer du matos ici et là, pour une représentation à chaque fois. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Être artiste ou technicien. Être artiste ou technicien. Ce n'est pas être soutenu. C'est la variable d'ajustement pour les élus. La ligne budgétaire superflue. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. C'est créé pour autrui. Divertir. Éduquer en poésie. Être artiste ou technicien. Ce n'est pas être rêveur. C'est se sentir concerné, acteur. Par les choix politiques des sénateurs. Culture en danger. Culture en danger. Tout technicien. C'est faire partie d'une grande multitude qui partage des inquiétudes dans une grande servitude. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Culture en danger. Être artiste ou technicien rime pour la plupart avec précarité. La peur de ne pas pouvoir continuer. La réalité est de ne pas pouvoir se soigner. Yippie-yo, yippie-yé. Culture. technicien. Ce n'est pas être chômeur. C'est partager les galères avec le secteur. C'est subir les choix des financeurs. Faire voter un texte de régulation. Faire voter un texte de. We'll be right back. peur synchronise les battements de ton cœur. Surtout rester concentré, pulvériser les chronos et les douaniers. Tu es le roi du beau pas si tu ralentis, tu trépasses. La semaine collée au plancher, rien ne peut t'arrêter. À moins que ce soit le tronc des arbres qui t'attendent. Si tu franchis ta limite, ta vie prendra la fuite. Accélère, accélère. Tu n'as plus rien à perdre. Tu es en limite, tout ça. Fond du fric. Sur Radio Arc-en-Ciel, on écoute la bonne musique en français. On a écouté les Turn Off avec À votre santé. David McLean avec Changer le monde. Aude Prieur avec Culture en danger. Rascas avec MD. Et à l'instant, c'était nos copains du groupe Dérapade avec Transporteur. On continue encore avec de la chanson française. Alors là, ça accélère peut-être un petit peu plus. Il s'agit du groupe Comintern Sect avec un titre qui s'appelle Avoir 20 ans.

qui ont lieu au Bataclan, etc. Cette soirée-là vraiment maudite, et c'est Kalachnikov sur Radio Arc-en-Ciel. On va continuer avec un autre artiste qui vient du sud-ouest de la France. Il s'agit de Max De Giovanni. Il reviendra avec nous le 13 juin. Il sera avec nous à nouveau, hein. C'est la deuxième fois qu'il vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son travail. Et le morceau qu'on va écouter maintenant s'appelle Mon Évidence. Souvenez-vous bien de son nom, Max De Giovanni. Il est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années et puis il revient à nouveau parce qu'il a, travaillé entre temps. Il va nous présenter de nouveaux morceaux. Le morceau qu'on vient d'écouter maintenant s'appelle Mon Évidence. C'est un super morceau et je me souviens de son passage. Il avait interprété des chansons ici à la guitare et c'est vrai que j'adore sa voix, j'adore sa façon d'écrire et j'adore ses mélodies. Voilà, Max De Giovanni, Mon Évidence. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et on va continuer avec de la bonne musique. Tiens, on va faire un petit tour du côté du reggae, hein, parce que sur Orléans c'est pas la Jamaïque, c'est pas Kingston, mais il y a quand même de bons artistes de reggae et j'ai eu l'occasion d'en recevoir une il y a pas très longtemps. Il s'agit de Luz Tolasie et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est toujours le même, c'est celui que j'adore, mais j'en passerai aussi d'autres, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant on continue à écouter donc Sunday, Bloody Sunday, une reprise du groupe U2 interprétée par Luz Tolasie. can close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? Tonight, we can be as one. Strewn across the dead end street, but I won't heed the battle call. It puts me back up, puts me back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. There's many lost, but tell me who has won. The trench is dug within our hearts, and mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday. Superbe version reggae de la célèbre chanson de U2, Bloody Sunday, Bloody Sunday, voilà, on va le dire en entier. C'est Luce Tolassi, elle était venue, elle nous a été présentée par notre ami Manu. Elle était venue avec Anthony, on avait passé un bon moment ici. Et puis, quelle voix quand même, et puis j'adore l'enregistrement, il est super bien fait. Donc Luce Tolassi, un nom à retenir, puisque c'est une très belle chanteuse. Dans l'émission Eureka, on reçoit des artistes, on passe des bons moments avec eux et puis on le partage à travers les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est toujours un plaisir. Et puis il y a quelques temps, il y a aussi notre ami Max Livio qui était venu passer un petit peu de temps avec moi. Voilà, et c'était pas prévu, il était pas vraiment disponible et puis il m'a dit on va faire quand même un truc par téléphone. Voilà, je pensais que ça allait durer une vingtaine de minutes par téléphone parce que vous savez, quand c'est comme ça, on essaie d'écourter au maximum. Et finalement, il avait trouvé un petit peu de temps et il m'a dit finalement la soirée est à moi, je viens. Donc il est venu avec sa moto, hein, tout simplement. Il circule comme ça et il est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, à un endroit où il avait travaillé pendant pas mal de temps. Donc il avait fait des émissions ici sur Radio Arc-en-Ciel et c'était l'occasion justement de partager une bonne soirée avec lui. Et je vous propose d'écouter juste après un morceau. Alors c'est pas du reggae, hein. C'est vrai que vous le connaissez sous la forme d'un des meilleurs artistes de reggae de la région, hein, Max Livio, mais cette fois-ci eh ben, il a exploré d'autres horizons. Il a écouté pas mal de choses différentes. Il avait aussi envie d'interpréter des morceaux plus soul. Et le morceau qu'on va écouter juste après s'appelle Les Mirages de l'Homme. C'est Monsieur Max Livio. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Et on écoute de la bonne musique jusqu'à 22h. Océan de l'âme, le reflet de l'écho qui résonne dans mon âme, désert de sable, mais la poussière devient poussière en soi. Mais connais ça, j'aimerais faire entendre mes prières. C'est la tournée du baron, la bouteille à la main.

l'espoir de lendemain. Tu le diras, voilà le maintenant. Après tout ce temps, nous touchons l'avenir. Il est l'heure de partir, pour se laisser vivre aux portes du vent, devant les océans, sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, d'espoir de lendemain. Quel morceau, voilà, c'était Manu Lorca, voilà, il est venu une seule fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais j'ai de très bons souvenirs. Il avait sorti un album qui s'appelait Décollement de routine, voilà, tout simplement, voilà, un jeu de mots. Et ce titre s'appelle Tu me disais, et à chaque fois que j'écoute, c'est toujours un vrai bonheur. Et puis Manu, si tu nous écoutes, si tu as envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ce sera avec plaisir. En tout cas, on va continuer avec un groupe qui était il n'y a pas très longtemps avec nous. C'est un duo, donc il y avait deux jeunes femmes qui étaient ici, ça s'appelle Recto Verso, et le morceau qu'on va écouter juste après, c'est Nos notes entremêlées. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Tu jouais seul sur ton canapé, quelques accords et ton bon vieux café. Moi je t'écoutais d'un air distrait, mais ta voix portait un secret. Un refrain doux comme une évidence, un air d'ailleurs, un peu de chance. Sans un mot, sans même un regard, nos âmes ont commencé l'histoire. Tu as souri, j'ai deviné que nos accords s'étaient croisés. Peut-être qu'on ne se reverra jamais, ou peut-être que l'histoire est lancée. Mais dans l'écho de ces soirées, nos âmes restent accordées. Entremêlées, elles étaient là il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y avait Claire et Stéphanie, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Nos notes entremêlées. Elles étaient le groupe Recto Verso. On va continuer avec un autre duo, mais deux garçons cette fois-ci. Il s'agit de Chris et Léo avec la chanson, vous savez, la chanson que vous avez dans la tête, que vous n'aimez pas, mais que vous l'avez dans la tête et que toute la journée vous accompagne. Donc c'est la chanson maudite, Chris et Léo. Tu vois, c'est ça.

jungle law, where life has found its place for thousands of years or more. But it only took a moment on the scale of time, just a few days, and there is no comment. This real crime on either face for masquerade. Prisma avec Burn the Ground. Voilà, c'est pas tout à fait fini, mais on va en profiter quand même pour parler parce que l'émission arrive à la fin. Et c'était donc l'édition numéro 637. Le temps passe vite hein, avec vous. Hein. 3 heures d'émission. Merci à tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook de l'émission Mavrika. Ils ont mis des petits pouces, ils ont mis des petits messages. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'ai la chance d'avoir parmi les auditeurs les meilleurs artistes de la région. On va continuer avec un groupe qui s'appelle Yeti. Et le morceau, c'est un morceau de l'ancien album, puisque le nouvel album il est sorti, mais je l'ai pas encore, hein, donc il va falloir qu'ils viennent dans les studios pour nous le présenter. Ça s'appelle Video Killed the Radio Star. C'était une reprise d'une chanson des Buggles. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, ouais, c'était à peu près ça. Et donc on arrive à la fin de cette émission. Et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il y aura le groupe Soul Latitude qui viendra nous parler de ses 20 ans. Et de la fête qu'ils organisent le lendemain, le samedi 3, si je ne me trompe pas, 3 mai, dans la salle de la grande salle de l'espace Bérère où il y a eu le Mavrika Live le samedi dernier. Voilà, comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous souvenir. Donc, on va dire les phrases magiques aussi, que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Ça se termine dans quelques minutes, mais on va prendre le temps d'écouter quand même le groupe Yeti. Party. Et juste après, on écoutera le groupe Jache, le groupe Jache qui était venu aussi applaudir les artistes locaux lors du dernier Mavrika Live. Ça fait plaisir de les voir puisqu'ils ont déjà participé à Mavrika Live. Et franchement, c'est des gens super bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a réuni les meilleures personnes ce soir-là. Donc, si vous faites partie des bonnes personnes de la région d'Orléans, venez avec nous la prochaine fois, donc le 25 octobre à l'Espace Béraire pour le Mavrika Live numéro 15, dans lequel il y aura plusieurs groupes. Il y aura le groupe Red Daff, il y aura le groupe Sonic Lag, et il y aura le groupe BRS, et en interscène il y aura Plug and Play. Vous êtes dans l'émission Mavrika, on est ensemble pour quelques minutes, on écoute tout de suite Yeti avec Video Kill the Radio Star. Merci à tous ceux qui ont écouté l'émission, à tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook, à tous ceux qui vont applaudir les groupes, c'est vraiment important. Il faut vraiment sortir parce qu'il faut vraiment les encourager. On a la chance sur la région orléanaise d'avoir de très bons artistes. Et en plus, c'est la plupart du temps, ce sont des gens super bien, super agréables. Donc on passe des très bonnes soirées. Alors n'hésitez pas à sortir de chez vous et aller bouger au rythme de la musique des artistes locaux. Voilà, cette émission est terminée. Si vous l'avez loupé, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas, il y a notre ami Florent, on le remercie encore pour tout ce qu'il fait. Il va faire le podcast et en plus il m'a promis qu'il le ferait dans la nuit, donc on l'aurait très rapidement. En tout cas, voilà Florent, je te remercie pour ce que tu fais, et puis on se dit rendez-vous donc la semaine prochaine avec le groupe Soul Latitude. Alors c'est un groupe, c'est pas un groupe, c'est une machine comme ils le disent. Ils sont 11 membres dans ce groupe là il y a des cuivres, il y a des chanteurs, il y a tous les instruments possibles, et en plus ils interprètent des superbes chansons, et ils auront 20 ans donc la semaine prochaine. Le groupe Soul Latitude sera dans l'émission Mavrika pour nous présenter leur événement qui aura lieu le lendemain. On se quitte donc avec le groupe Jache avec un morceau qui s'appelle Lies. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika se termine. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao. my heart. De acordo com informação do Vaticano. As três primeiras figuras do Estado português já estão, vão estar presentes amanhã no funeral do Papa. Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Aguiar Branco e Luís Montenegro já chegaram a Roma, e com a ausência do primeiro-ministro do país, é o ministro